Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, je vous propose Perfect Beings de Californie. Nous aurons Agusa de Suède, The Skies de Lituanie, The Rome Project d'Italie, Missing Link d'Allemagne, The Tangent, c'est un groupe qu'on peut considérer multinational. On a Soup de Norvège, Spoke of Shadows des États-Unis, Il Sertio d'Oro d'Italie et pour conclure, nous aurons du Brésil, Caravella Escarlate. Alors, on débute avec l'album de la semaine. Nous avons une nouveauté de Californie. C'est le troisième album du groupe Perfect Beings. C'est un album qui est composé de 18 morceaux regroupés en 4 mouvements et ça totalise 72 minutes. Et moi, je vous propose 7 extraits qui donnent un très bon aperçu de cet album qui est pas mal plus fignolé et qui a un petit peu plus d'audace aussi que les deux premiers. Alors, voici Perfect Beings. All the kids mixed up, mutated, transposition, regenerated life. Enter the center, the center, the center. Two and two in a curl to knock. Root to the crown, bottom to top. Downside down. All the kids ripened, rotated into a woven jump out of wild blue guy. Blood,

mutated transposition regenerating life. All is ripe and rotated into woven item landisol. Into the center, the center, the center. Center. sound and color. Over and lights outline our places here. In homes across this great land, I sit and stare. Wonder, is this the time we move forward? Is this the time? Yeah. Alors, ce qu'on venait d'entendre, c'est le groupe californien Perfect Beings qui viennent faire un beau cadeau avec leur troisième album qui s'intitule VR. Alors, on se rappelle que c'est un album de 18 morceaux en 4 mouvements et qui totalise 72 minutes. Alors, je vous propose fortement de vous procurer cet album-là parce qu'il y a plein de nuances. Et ça prend peut-être une ou deux écoutes pour l'apprivoiser, mais c'est rempli de subtilités, de nuances. Alors après la pause, nous aurons Agusa, The Skies et The Rome Project. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors on débute le bloc avec Agusa, qui est un groupe qui nous vient de... de la Suède. Et Agusa a deux albums studio. Et puis récemment, en fait, il y a quelques mois, ils ont sorti une compilation. Et le titre de la compilation, c'est simplement Agusa. Alors, c'est éponyme. Et on va entendre la pièce Seger Friend Saharis. Et ensuite, après, nous aurons de Lituanie, le groupe The Skies. The Skies qui existe depuis 2004. Et puis, ils ont deux albums dont le plus récent quand même date déjà de 7 ans, c'est Colors of the Desert, et on va entendre un extrait. C'est paru en 2011, et The Rome Project, qu'on a entendu la semaine dernière, avec une nouveauté, eh bien, on va retourner dans le passé, et je vous propose un extrait du premier album qui est paru en 2012, et une fois aussi, 2012, c'est bien ça, et c'est un album homonyme, The Rome Project. Alors, on débute ça avec Agusa. Thank you. Alors, c'était The Rome Project avec la pièce Down to the Domus Aurea. Et ça, c'est extrait du premier album qui est paru en 2012. Et ceux qui ont l'oreille fine auront reconnu le doigté de Steve Hackett. Ça prend quand même une oreille fine. Et ça a été précédé de The Skies. Et ça, c'est un groupe qui nous vient de la Lituanie. Et la pièce « Walking Alone », ça c'est extrait de l'album « Colors of the Desert », c'est paru en 2007. Et en début de bloc, nous avions « Agusa » et la pièce « Seger Franz Harris », et c'est extrait de la compilation du nom du groupe. C'est tout simplement « Agusa » de Suède. Alors après la pause, « Missing Link » de Tangent et « Soup ». Alors je vous invite... ce troisième bloc de l'émission. Et on va débuter avec Missing Link. C'est un groupe allemand qui a fait un seul album en 1972. Missing Link, sa dissolution, ben, les musiciens sont allés un peu s'éparpiller dans des groupes différents, dont Sahara et Mrs. Beastly et Embryo. C'est trois groupes qui représentent le genre de jazz-rock fusion. Et la pièce qu'on va entendre, ben, c'est extrait de l'album Nevergreen et le nom de la pièce, c'est Sorcery. Ensuite, nous aurons The Tangent. The Tangent qui est un groupe multinational sous la supervision de Andy Tillison. Et on a aussi Guy Manning dans ce groupe-là, des musiciens qui ont aussi fait partie d'autres groupes comme The Flower Kings et Parallel or 90 Degrees. Et il y a aussi des collaborations avec, comme par exemple, David Jackson de Vandegrad Generator. Il y a Luc Machin du groupe de Machine aussi. Et la pièce que je vous propose, bien, c'est Le Massacre du Printemps, partie 1. Et ça, c'est extrait de l'album paru en 2009, A Place on the Shelf. Et on va conclure le bloc avec Soup. Soup qui nous a produit un très bon album qui, j'ai regardé les palmarès en cette fin de semaine, et puis Soup est dans les 15 meilleurs albums là, de l'année 2017, là, si on se fie à plusieurs chroniqueurs. Et par contre, je vous adresse une pièce qui nous vient de leur deuxième album paru en 2010. L'album s'intitule Children of ELB. Et la pièce, c'est She Had Set Out to Find the Sun. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez vous procurer l'information concernant les pièces qui passent à l'émission, mais je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous allez y trouver toute l'information. Alors, on débute ça avec The Missing Link. Thank you. Thank you. Alors, c'était Soup de Norvège avec la pièce She Had Set Out to Find the Sun et c'est tiré de Children of ELB. Ça, c'est paru en 2015. Et auparavant, nous avions The Tangent, un groupe multinational, et la pièce Le Massacre du Printemps est tirée de A Place on the Shelf. Ça, ça date de 2009. Et en début de bloc, nous avions une pièce âgée de 46 ans. Et c'était Missing Link avec Sorcery, tiré de Nevergreen, paru en 1972. Alors après la pause, Spoke of Shadows, Il Sergio Doro et Carabella Escarlate du Brésil. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au quatrième et dernier bloc de cette émission Rock de Neurones et on va débuter avec une formation américaine du nom de Spoke of Shadows. Ils viennent de faire paraître leur deuxième album qui s'intitule 2. Et ce groupe-là, en fait, existe là, depuis 2014 et c'est le deuxième album du groupe là, en 3 ans. Ensuite, nous aurons un groupe italien qui a aussi sorti un album cet automne. C'est Il Sergio Doro. C'est leur quatrième album. Et l'album s'intitule Il Fuoco Sotto la Cenere. Et j'ouvre une petite parenthèse ici pour mentionner que j'ai chroniqué cet album-là. Alors, si vous voulez lire la critique que j'en ai faite, alors je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous avez un hyperlien qui va vous y amener. Et on va conclure avec un groupe du Brésil, un nouveau groupe, et c'est leur premier album, c'est un album éponyme, et le groupe s'appelle Caravela Escarlate. Alors on débute ça avec Spoke of Shadows. just don't say that. Mi sento un po' fuoco, un po' ghiaccio, e c'è chi mi chiama pagliaccio. Hey! Alors, ce que vous écoutez, c'est la formation brésilienne Caravela Escarlate et la pièce, c'est Planeta Estrela, c'est tiré de l'album éponyme. Et auparavant, nous avions Il Sergio Doro et la pièce Aidu Poli, tirée de Il Fuoco Sotto la Cenere. Et en début de bloc, nous avions Spoke of Shadows et la pièce Metamorphosis, tirée de l'album 2. Alors, je rappelle aux amateurs de rock progressif que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches matin de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones pour tous les détails et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une autre émission de Rock de Neurones.